Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche de l'Avent, qui est symbolisé par ces deux bougies allumées dans une couronne. Cette couronne symbolise au fond ou représente un soleil qui lui-même symbolise le Christ, c'est-à-dire que nous marchons vers Noël et aussi dans l'attente de la venue glorieuse de notre Seigneur, nous sommes dans l'espérance de la pleine lumière, qui correspond aussi au solstice d'hiver, où les jours vont commencer tranquillement à se rallonger. Donc ce temps de l'Avent, un mot qui vient de Adventus en latin, qui signifie avènement, qui est un temps par excellence d'espérance, puisque appuyé sur ce que Dieu a déjà fait, nous attendons qu'il accomplisse ses promesses. C'est un peu cela que Paul décrit dans l'Épître aux Philippiens, quand il dit « Et puisque Dieu a bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement. » Ce qu'il dit des Philippiens, il peut le dire de toute la révélation et de tout le salut du genre humain. Ce que Dieu a magnifiquement commencé avec ses prophètes Moïse en son Fils bien-aimé, il va le continuer jusqu'à l'achèvement, au jour où il viendra dans sa gloire. C'est cela l'essentiel. C'est, pour en prendre une expression, c'est la mémoire de l'avenir, l'espérance. C'est une manière de dire que, parce que nous avons conscience de tout ce que Dieu a fait, eh bien nous pouvons espérer d'une manière ferme et confiante, achever. J'aime bien prendre une image pour expliquer la différence entre espoir et espérance. C'est comme la loterie et l'espérance, c'est comme un testament. L'autre soir, j'étais au centre Vidéotron, puis je regardais le match des Remparts, puis il y avait un monsieur qui se promenait avec une calculatrice. Tout le monde lui donnait des 20 $, des 5 $, des 10 $. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire qui suscite autant d'argent? Et après, j'ai compris qu'il y avait une loterie à la fin du match et qu'une personne allait gagner la moitié du gros lot, l'autre moitié irait pour supporter une œuvre. Alors ça, c'est l'espoir. Je vais tirer le ticket gagnant. Mais ce n'est pas ça l'espoir, l'espérance chrétienne. Je disais, ça se compare à un testament, par exemple, des parents qui vous ont aimé tout au long de votre vie, qui ont pris soin de vous comme ils ont pu, avec leurs limites, mais quand même dont vous vous savez aimer. Eh bien, ils ont préparé un testament qui vous donnera l'héritage. Ben, vous avez bonne confiance qu'ils vous donneront l'héritage, puisqu'ils ont déjà si bien pris soin de vous. Voyez? Eh bien, c'est un peu ça l'espérance chrétienne. Ça se fonde, c'est pas un pari, mais ça se fonde encore une fois sur des faits réels, historiques, ce que Dieu a fait dans l'histoire du salut. Et c'est aussi pour nous un exercice de la mémoire, de garder constamment à l'esprit ce qu'il a fait pour nous personnellement. Et que s'il a commencé quelque chose et qu'il est Dieu, forcément une œuvre divine va vers l'achèvement et la perfection. Donc ce temps où nous nous réjouissons de ce que Dieu a donné son Fils et que ce Fils viendra dans la gloire pour que tout mal soit définitivement détruit, ce cosmos, son histoire sera terminée et nous verrons le ciel nouveau et la terre nouvelle où Dieu sera tout en tous. Alors aujourd'hui, l'Évangile, bien d'abord c'est l'Évangile de Saint-Luc, c'est l'Évangile que nous allons lire cette année. Nous sommes dans l'année C. Vous savez que la liturgie catholique roule sur 3 années. Et C, où nous lisons Matthieu, Marc et Luc. Donc, Luc, qui est un évangéliste passionnant, l'évangéliste de la miséricorde, et je pense pour le pape choisi l'année de Luc comme année de la miséricorde. Vous savez, Luc est le seul qui nous relate, par exemple, la parabole de l'enfant prodigue ou celle du bon samaritain. Saint Luc, c'est aussi un historien. Ce n'est pas un juif, probablement qu'il est d'Antioche en Syrie. On n'est pas tout à fait sûr de son identité. Mais on sait qu'il a écrit vers la fin du 1er siècle. Il n'a pas connu le Christ. Et peut-être qu'il a connu saint Paul, mais il n'est pas de la génération apostolique. C'est un historien. Il a collecté les témoignages oraux et écrits qui circulaient dans les églises du bassin méditerranéen à son époque. Et en son petit préambule, combien le souci de montrer que le christianisme est une religion historique. Il mentionne plusieurs personnages dont nous savons que c'est des personnages qui ont réellement existé à cette époque-là. Hérode, Ponce Pilate, etc. Anne et Caïphe. Et c'est comme s'il décrivait l'aspect horizontal de l'histoire humaine. Soudainement arrive à la fin de ce préambule une parole qui, elle, est coupée, qui tombe dans sa verticalité. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Quel contraste! On a comme cette procession de grandes personnalités brillantes qui ont dû part. Et la parole de Dieu est adressée complètement ailleurs, à un pauvre type qui est inconnu, qui s'appelle Jean le Baptiste. Et cette formule, la parole de Dieu fut adressée, est une formule stéréotypée dans la Bible qui signifie une vocation prophétique. C'est Dieu qui saisit un homme pour qu'il porte la parole, souvent dans un temps de crise. Et cette parole est adressée dans le désert. Ce n'est pas seulement parce que Jean le Baptiste ou un ascète, mais c'est aussi dans la Bible, le désert est le lieu de la rencontre du peuple avec Dieu. C'est presque le lit nuptial, j'allais dire, entre Dieu et son peuple. Pour Israël, le désert est ce lieu par le passé de l'esclavage à la liberté. Et puis, cette expérience du désert a été renouvelée après l'Exode dans l'exil, le retour d'exil. Et c'est à cela que fait allusion ce magnifique texte que nous avons entendu dans la première lecture du livre de Baruch. « Quitte ta robe de tristesse et revêt la parure et la gloire de Dieu. » Jour. Cette parole s'adresse aux exilés qui sont à Babylone, un peuple qui a tout perdu, sa terre, son temple, son clergé, son... Voilà que Dieu lui... Eh bien, je suis revenu de ma grande fureur, c'est le temps de la miséricorde. Retourne à Jérusalem le chemin, je vais aplanir les montagnes, combler les ravins, dresser ce qui est tortueux. Et sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres différents donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, lumière de soir. Voilà un peuple qui est à zéro et qui est saisi par cette espérance qui vient d'un prophète, l'appel à se réjouir. Tout un peuple qui représente, ce qui symbolise aussi l'Église. Alors, donc Jean le Baptiste est dans le désert, mais nous avons parlé d'un exode, d'un exil. De quoi s'agit-il maintenant? Eh bien, il s'agit de préparer la venue de quelqu'un dont Jean-Baptiste dira qu'il n'est pas digne de délier la courroie des sandales. Ce n'est plus Dieu qui nous adresse la parole, mais c'est la parole qui vient parmi nous et qui s'adresse à nous dans le Fils bien-aimé. Et c'est pour nous faire passer non pas de l'Égypte ou de Babylone à la terre promise, mais carrément de la mort à la vie, du péché à la grâce, d'une vie, je dirais, rampante, humaine, à une vie céleste, éclatante, une vie de gloire, une vie impérissable, une vie de plénitude et de perfection. Voilà ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Et il me semble que cette histoire que Luc nous raconte, avec tous ces détails historiques et cette, je dirais, effraction de la transcendance de Dieu dans l'histoire humaine, dans l'immanence humaine, s'adresse à chacun de nous. Parce que Dieu a un pour toi. Il veut aussi redresser tes chemins tortueux, rabaisser les collines, combler les ravins. Il veut faire une perfection avec ta vie. Acceptes-tu que Dieu entre dans ton histoire personnelle et peut-être dans celle de ta famille, de tes amis? Parce que nous savons qu'en nous ouvrons notre cœur à Dieu, il ne transforme pas seulement notre existence personnelle, mais il y a tout un rejaillissement. Acceptes-tu dans le désert de ta vie qu'il soit ton époux, qu'il ait vraiment les paroles qui vont combler ton cœur? Acceptes-tu lui qui a tout donné pour toi, de tout lui donner en retour? C'est cela les épousailles avec et pour nous guider dans ce consentement, nous avons l'admirable figure de la Vierge Marie dans ce temps de l'Avent. Elle, la première, qui a dit oui à cette irruption de la grâce dans sa vie. Quand l'ange est venu chez elle, il entra chez elle, dit le texte de Saint Luc d'ailleurs. Pas seulement entré par la porte ou la fenêtre, mais évidemment il est entré dans sa vie et dans son cœur. Et malgré que les explications sur sa maternité divine, extrêmement satisfaisante, il me semble, intellectuellement, eh bien, elle a fait l'acte de foi. Elle a dit oui. Et sa vie, évidemment, a été bouleversée et elle est devenue la mère de Dieu et la mère de l'Église. Donc, demandons-lui, pour nous-mêmes et pour notre Église, qui vit aussi, qui traverse un désert terrible, terrible. Nous avons la chance ici de vivre dans l'espérance, dans la croix. Mais vous savez que pour une grande partie de notre Église québécoise, c'est l'inverse. Il ne s'agit pas de juger personne ici, c'est un fait. Donc nous vivons comme une grande purification dans notre Église et on peut entendre ces paroles. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Combien aujourd'hui sèment en pleurant. Mais Dieu nous garantit que nous reviendrons en chantant, en rapportant une moisson. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas de l'espoir. On n'a pas un ticket à la loterie. C'est de l'espérance que ce que Dieu a commencé, il va l'amener à sa perfection. Et nous avons tant de traces de l'action de Dieu dans notre histoire, ici au Québec, au Canada, que nous pouvons avoir une ferme espérance ici à notre assemblée qui porte en germe d'immenses promesses de l'espérance. Encore une fois, dit Paul, « Puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Amen. »